Donc je profite que nous sommes au bord du canal exécutoire pour montrer la caserne des pompiers, hein, qui est un très très très beau bâtiment qui date des années 50. Alors l'entrée de gauche, voilà, tout à gauche, au second étage à droite, il y avait c'est l'appartement, le Côte, en Dunkerquois de Copinard, alias Jean Mine à Copinard 2, qui était notre valeureux tambour-major entre 59 et 88, l'année de son décès. Voilà. Donc il avait un appartement de fonction dans la caserne des pompiers, puisqu'il était, je crois qu'il a fini caporal-chef hein, quand il a pris sa retraite. Copinard, c'était notre tambour-major. Le tambour-major, c'est celui qui mène la bande. Hein, donc il porte un uniforme façon garde impérial l'époque napoléonienne. Donc il a été tambour-major à partir de 1959 et jusqu'à son décès en 88. Donc il était connu, hein, le Co, hein, tout le monde connaissait. On connaissait plus Copinard 2 hein, que Jean Mine. Hein, à l'état civil, c'était Jean Mine. Voilà, donc il a marqué l'histoire du carnaval dunkerquois. Et après son décès, on lui a composé un hymne hein, qui est chanté tout à la fin, on va dire, du rigaudon, des balles, juste avant la cantate à Jean-Bart. Oui, bon, de toute façon, il était un personnage truculent, il connaissait bien Dunkerque. D'ailleurs, c'est lui qui a inspiré, enfin, il a été de ceux qui ont inspiré le premier jet de hareng en 1962, à l'époque du maire Paul Assmann. Hein. Donc, jet de hareng qui est devenu maintenant une tradition. Hein, mais le premier jet de hareng, c'est fait en 1962. Donc, il y avait les commerçants, puis Copinard qui a un petit peu appuyé dans ce sens. Hein. Le jet de clipper, c'est-à-dire les harengs fumés, heureusement jetés sous cellophane. Voilà, donc notre Copinard, il continue à marquer l'histoire du carnaval. C'est un personnage qui est très, très largement passé à la postérité. Hein, pour mettre sous votre cloche, vous pouvez acheter le Bosta Copinard, un petit pins qui a été édité en 2018 pour l'anniversaire de son décès en 1988. Hein. C'est vrai que quand il a l'année de son décès, en mai 88, les Dunkerquois c'était vraiment là, une grande tristesse, un grand accablage, comme on dit à Dunkerque. Un grand accablage. Voilà. Voilà, donc il avait trois filles. Bon, là, malheureusement, la seconde est décédée d'un cancer l'année dernière, donc il reste l'aîné. Son épouse est décédée aussi, donc il reste l'aîné, la cadette. L'aîné aurait bien voulu prendre la succession, mais il n'y avait pas de femme tambour-major à l'époque. Hein. Ça commence à se faire un petit peu maintenant, mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Voilà, donc il a vécu pendant toute sa vie professionnelle, il habitait là, voilà, la rue de la Cunette.